Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107FM. Nous sommes le mardi 30 novembre 2021, nous sommes en direct, il est 14h05, nous sommes un petit peu en retard mais c'est pas bien grave, ce sont les aléas du direct comme on dit. C'est Chris, vous êtes dans votre émission Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne les Remiremont, Ludovic Lemasson de l'Union Vosgienne des Batteries Fanfares ou UVBF qui est là pour nous parler de l'UVBF et de tout ce qu'il fait. Donc bonjour Ludovic. Bonjour à toutes et à tous. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Parfait. Donc, nos auditrices et auditeurs sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Donc, je suis Ludovic Lemasson. Je suis, comme vous l'avez dit, le président de l'Union Vosgienne des Batteries Fanfares depuis 1999. Une association qui s'est créée dans des circonstances dont on détaillera peut-être tout à l'heure l'existence et qui aujourd'hui agit sur l'ensemble du département des Vosges pour la diffusion et la promotion du genre de la batterie fanfare en particulier, mais aussi de la fanfare plus largement. D'accord. Et donc, comme vous venez de le dire, vous êtes le président de l'Union Vosgienne des Batteries Fanfares ou UVBF. On va dire UVBF pour cette émission. Ce sera plus simple. Voilà. Et donc, bien que nous développerons le sujet tout au long de cette heure d'émission, pouvez-vous un petit peu détailler les circonstances de la création de l'UVBF ? Donc, comme j'ai dit, cette association s'est créée en 1999 sur la volonté de structurer un petit peu dans le cadre de la pratique de la batterie fanfare en particulier, de structurer un petit peu l'enseignement et la promotion de ce genre qui a vécu un petit peu sur des images un petit peu parfois pas très valorisantes. Donc, nous avons eu la chance d'avoir à cette époque-là, au sein du département des Vosges, une association départementale qui donnait la promotion de la pratique amateur de la musique. Et nous avons donc pris la balle au bon en essayant de structurer sur l'ensemble du département les associations qui avaient encore la chance de pouvoir pratiquer ce genre musical assez particulier. Donc nous nous sommes retrouvés à l'époque à Épinal avec Philippe Barthaud qui était donc à l'AFDAM à l'époque et avec quelques dirigeants associatifs qui se sont dit effectivement il était temps pour nous de se structurer et d'avancer sur le sujet de la batterie fanfare et de montrer que ce genre musical n'est pas un genre à part ou un sous-genre, c'est aussi une pratique musicale valorisante qui a son rôle à jouer sur le paysage culturel du département et aussi au niveau du Grand Est et bien sûr au niveau français puisqu'il y a quelques spécificités françaises qui font que cette pratique musicale est véritablement quelque chose qui est bien ancré sur notre territoire. D'accord. Donc, vous l'avez dit en introduction, vous êtes du coup le président de l'UVBF depuis 1999. C'est ça. Donc, vous êtes un des fondateurs de l'UVBF. Oui, je suis un peu à l'origine de ce rassemblement puisque j'étais en étroite collaboration avec le département à l'époque pour justement donner quelques pistes sur la structuration de l'enseignement musical en amateur qui était pour l'instant complètement abandonné sur le territoire des Vosges puisque l'enseignement spécialisé ne se tournait pratiquement pas sur l'accompagnement de ces pratiquants-là. Donc, puisque clairement, pour définir un peu ce qu'est une batterie fanfare, dans lesquelles vous trouvez des instruments assez particuliers, ce qu'on appelle les instruments naturels, ceux qui n'ont pas de mécanisme, hein, de piston ou de palette ou de choses comme ça. Donc ce sont bien sûr principalement, tout le monde le connaît, c'est le clairon d'ordonnance, le tambour d'ordonnance qui est souvent couplé, et ensuite donc des instruments naturels tels que la trompette de cavalerie, le cor qu'on appelle communément le cor de chasse, couplé avec des instruments graves de la famille des graves, le clairon basse, la trompette basse, sur lequel on a effectivement acquis notre répertoire traditionnel. D'accord. Donc, les instruments, comme vous le dites, dits naturels, mais du coup, quelle est la différence entre un instrument naturel et un instrument avec un mécanisme ? Alors, l'instrument naturel est limité dans sa tessiture, hein, dans sa capacité de jouer, c'est-à-dire qu'il joue que les harmoniques de son instrument. Donc, deux tonalités qui sont complémentaires, une en si bémol, une en mi bémol, qui font que la richesse de ce répertoire-là permet de croiser ces deux instruments-là pour donner des mélodies assez particulières, avec un timbre d'instrument, surtout la trompette de cavalerie, qui est véritablement très spécifique, qui est très complémentaire de la pratique des instruments à système. Sachant que, effectivement, vous pouvez bien le comprendre, qu'à l'origine, tous les premiers musiciens ont commencé sur des instruments dits naturels, puisque ça a commencé il y a très très longtemps sur des cornes ou des choses comme ça. Donc le mécanisme est venu bien après, quand Adolphe Sax a commencé à faire des choses, par exemple. Donc on a véritablement quelque chose de très précaire, de très simple au départ, mais qui donne aujourd'hui un style musical très particulier et qui peut, on le découvrira tout à l'heure dans les extraits, mais qui apporte une richesse sur le paysage culturel. D'accord. Donc du coup, contrairement à un instrument avec mécanisme, l'instrument dit naturel, c'est le musicien qui fait tout, c'est le pratiquant qui fait tout. Dans tous les cas, c'est le musicien qui fait tout, parce que c'est la soufflerie, hein, c'est-à-dire c'est le souffle, hein, c'est le souffle communique qui, en tout cas, engage dans l'instrument une hauteur de note qui est maîtrisée. Alors, bien sûr, effectivement, avec les pistons, on peut avoir toute la gamme complète, hein, des notes, ce qui n'est pas le cas des instruments naturels qui sont limités. Le clairon a, par exemple, 5 notes principales, la trompette en a 8. Voilà, donc dans ces deux familles-là. Et tout le genre qui fait que c'est très complexe d'écrire pour ces instruments-là et d'avoir quelque chose d'hyper intéressant. C'est pour ça qu'ensuite, pour essayer d'être dans un air un peu plus moderne et de sortir un petit peu d'un répertoire plus traditionnel, se sont ajoutés donc les instruments, les seuls instruments à système qui existent dans notre batterie fanfare, ce sont les contrebasses avant et donc ensuite la famille des euphoniums complète, hein, les saxons, les euphoniums, les basses qui sont venues un petit peu apporter une petite touche complémentaire à notre orchestration qui permet aussi d'aborder des répertoires plus actuels et d'aller vers des domaines extrêmement variés. D'accord. Et donc, comme nous l'avons dit au début de l'émission, vous êtes un des fondateurs et le président de l'UVBF. Mais quel a été votre parcours personnel ? Est-ce que vous avez fait peut-être des études musicales ou pas du tout ? Alors, pas du tout. Au départ, je suis issu du monde amateur, 100%, puisque je suis rentré à la batterie fanfare du Solserre à l'époque. D'accord. On m'a formé en interne. C'était un formateur bénévole qui m'a tout appris. J'ai commencé au clairon. J'ai fait quelques années au clairon avant de passer au cor, ensuite au cor mi bémol. Donc, j'ai fait mon parcours comme ça et je me suis trouvé un petit peu des envies de plus que d'être un simple musicien, puisque la vie d'une association, ce n'est pas que de se faire plaisir à travers son instrument, c'est mes soucis de participer à la vie associative. Bien sûr. Donc de prendre plus des responsabilités. Et j'ai commencé aussi à vouloir un peu diriger l'orchestre et en tout cas apporter d'autres techniques et pour moi un petit peu et découvrir d'autres domaines. Donc c'est là où a commencé un petit peu mon rôle aussi de pouvoir structurer et j'avais bien identifié à ce moment-là qu'on avait un véritable manque, puisque moi, en tant que musicien, je cherchais un lieu pour approfondir mes connaissances. Et je me suis à l'époque tourné vers le Conservatoire d'Épinal, qui n'avait absolument pas de classe ouverte pour nos instruments. Donc on a poussé un peu la porte, on a essayé de collaborer. Donc on a eu quelques bonnes réactions et puis quelques mauvaises, puisque ces instruments-là ne sont pas forcément bien accueillis dans les conservatoires. C'était un petit peu ce qui a déclenché derrière la création du nouveau gène en se disant, bah, puisqu'on ne trouvera pas ce qu'on a envie ailleurs, on va le créer nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on a créé donc ce qu'on appelle les ateliers batterie fanfare, avec un recrutement de musiciens professionnels qui se sont dit, bah tiens, moi ça m'intéresse de vous donner ma pédagogie et ma façon de voir un petit peu votre instrument, et qui nous ont apporté plein de choses. Et c'est là qu'on a constitué une équipe qui a tourné dans tout le département pour aller former les musiciens amateurs un peu partout. Donc c'est comme ça qu'un peu l'aventure s'est créée, avec en plus des stages tout au long de l'année pour apporter encore plus de choses. Bien sûr, nous en parlerons un petit peu plus tard dans cette émission. Donc du coup, vous êtes le président de l'UVBF, donc c'est une association ? Tout à fait. D'accord. Et donc, où est-ce qu'on peut retrouver l'UVBF ? Est-ce que, par exemple, l'UVBF a un local, des locaux ou pas du tout ? Alors en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, c'est plutôt l'UVBF qui va vers vous. C'est-à-dire D'accord. que les batteries fanfares ou les fanfares ou les harmonies qui ont encore des instruments hors d'ordonnance sur lesquels ils veulent valoriser ou apporter une expertise spécifique, ben nous sommes là présents et c'est nous qui nous déplaçons vers les gens. C'est-à-dire que aujourd'hui, on intervient sur trois associations, donc Basse-sur-le-Rue, où nous avons donc notre professeur de percussion qui va intervenir sur Adol, où on a donc de la formation de cuivre, de percussion et de formation musicale et d'éveil musical aussi. Et puis sur Montureux-sur-Saône. Voilà, donc sur les trois lieux pour l'instant où on intervient. Nous avions aussi la chance de travailler avec Anould il y a quelques années, qui avait aussi le même dispositif, où nous avions des formateurs qui allaient se déplacer là-bas. Donc on couvrait véritablement l'ensemble du département. Donc c'est plutôt nous qui allons vers les gens, parce qu'on n'est pas... On n'est pas un lieu d'accueil de ceux qui veulent pratiquer. On va vers là où ça se passe. C'est-à-dire que, clairement, on voit bien que c'est plutôt un milieu rural. Mm-hmm. C'est une activité très rurale, c'est une activité très locale. C'est une activité qui a besoin de s'ancrer sur un territoire et de développer, et en tout cas d'apporter une porte d'entrée à la culture et à la musique en particulier sur ces territoires-là. Là où ben, il n'y a pas grand-chose d'autre en termes de culture et en termes de musique. Donc c'est là que, pour nous, c'est hyper important de garder ce lien avec le territoire et avec les habitants. habitants pour avoir une offre musicale. D'accord. Donc du coup, promouvoir la batterie fanfare et garder et conserver du lien, ce sont les buts principaux de l'UVBF ? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est là au service d'un projet associatif. C'est-à-dire que chaque association vient avec son projet en disant voilà la ligne de conduite qu'on s'est donnée, voilà notre politique culturelle et artistique qu'on s'est fixée et comment vous pouvez nous accompagner pour aller vers ce but-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire c'est comme ça que ça doit se passer, c'est comme ça que vous devez faire. On a une expertise et on peut orienter les choses. On peut dire faites attention parce que ça fait quand même depuis 99 qu'on fait, donc on sait les choses qu'il faut faire et celles qu'il faut moins faire. Donc voilà, donc on essaie d'apporter notre expertise, mais tout en respectant l'identité de chacun en termes associatifs. Et on a quand même un lien commun de tous ceux qui sont avec nous, c'est qu'aujourd'hui, le premier rôle, c'est l'animation des territoires. C'est-à-dire de participer aux fêtes locales, c'est de participer aux fêtes régionales, départementales. On est en pleine période de Saint-Nicolas, vous allez voir quasiment tous nos adhérents qui vont être dans la rue pendant quelques semaines pour animer les territoires et animer les Saint-Nicolas. Et puis après, ce sera les carnavals, voilà. Donc notre terrain de jeu, entre guillemets, c'est la rue. C'est l'extérieur, c'est les défilés, c'est les corsos, enfin voilà. Donc c'est véritablement là où, en général, on a tous notre mot à dire et notre particularité, en tout cas notre spécificité. Et jouer dehors, c'est pas comme certains peuvent le dire, c'est pas parce qu'on est mauvais musicien et qu'on sait rien faire d'autre. On sait aussi jouer en salle, puisqu'on fait tous des concerts aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire d'apporter une animation de qualité avec aussi, pour certains qui sont orientés, sur de la qualité aussi visuelle. Parce que certains se sont orientés vers le marching band, hein, puisque vous connaissez tous les 100 pistons d'Eloi, par exemple, qui ont travaillé avec nous pendant quelques années, qui ont pris cette orientation-là et qui ont, sur le show à l'extérieur, quelque chose d'extrêmement bien fait. Donc, et qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement des bénévoles. Donc tout ça fait qu'on est là aussi pour apporter de la qualité, apporter aussi de la joie et puis de la communication entre le pratiquant passionné et le public qui en attente aussi d'un spectacle. Bien sûr, donc même là, en descendant dans la rue, vous allez directement à la rencontre des gens. C'est tout à fait ça. En moyenne, à une association qui adhère chez nous, c'est entre 20 et 30 sorties par an. Ah oui. Donc ça fait quand même une paire de week-ends. Voilà, là par exemple, si je prends l'exemple de Adol, sur les 3 week-ends, on a 5 Saint-Nicolas. Donc ça veut dire qu'il faut sortir très souvent, donc il faut être disponible, il faut se rendre actif pour son association, puisque toutes les associations vivent en grande partie sur les sorties, c'est-à-dire qu'il y a une rémunération qui est faite pour les associations qui permettent d'avoir un budget pour fonctionner. Voilà, c'est sans ça, c'est-à-dire que c'est double résultat. C'est, si on sort, on finance ce qu'on fait, et quand on sort, on se fait plaisir en apportant notre art et ce qu'on a envie de proposer au public. D'accord. Il est 14h17, donc avant d'approfondir encore plus le sujet, je vous propose de nous lancer directement dans une première fréquence musicale que vous m'avez envoyée par mail en amont de cette émission. Et les trois fréquences musicales que nous allons écouter pendant cette émission, ce sont trois morceaux qui décrivent bien l'UVBF. Et donc, on va écouter en premier le morceau Ardissimo. Voilà, et on pourra en dire quelques mots juste après. Donc, on écoute Ardissimo et on se retrouve juste après. Donc, à tout de suite sur Radio Gamozo. Vous êtes de retour sur Radio Gémozo, vous êtes toujours en direct. Il est presque 14h21. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radiogémozo.radio-website.com/partout-en-France. Vous venez d'écouter le morceau de musique fanfare intitulé Ardissimo et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-les-Remiremont de Ludovic Lemasson de l'Union Vosgienne des batteries fanfares ou UVBF qui est là pour nous parler de l'UVBF et de tout ce qu'il fait. Ça va toujours ? Ça va très bien, merci. Parfait. Donc j'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale. Pourquoi avoir choisi d'écouter ce morceau en particulier ? Alors je pense que pour les connaisseurs du genre seront pas très surpris de ce choix-là. Pour ceux qui connaissent pas, je vous mets au défi de définir le soliste qui a joué et quel instrument il joue. Voilà, parce que l'instrument qui est mis en valeur dans cette pièce-là, c'est le clairon d'ordonnance. Et pour ceux qui l'entendent plutôt quotidiennement, en tout cas tout au long de l'année, c'est plutôt lors des cérémonies commémoratives. Et on est loin de ce répertoire-là qui est traditionnel. Et c'est une de nos missions principales, hein, c'est-à-dire qu'on s'attache d'être toujours là à toutes les commémorations dans nos villages, partout où on nous demande avec un clairon et un tambour. C'est le minimum, hein, c'est notre métier entre guillemets. C'est ce qu'on sait faire. Et on le fait très bien. Et c'était aussi de mettre un petit peu en avant cet instrument-là qui est loin d'être vieillissant, puisque quand vous écoutez cette pièce-là, vous pouvez pas vous dire que c'est pas un instrument moderne, parce que c'est extrêmement mélodieux. Surtout quand vous avez un soliste comme Vincent Labarre, qui est un musicien professionnel de l'orchestre de batterie fanfare de la police nationale et qui joue aussi dans les orchestres de jazz. Donc voilà, donc ça veut dire que quand on est passionné, quand on est musicien, on est capable de faire de cet instrument-là un magnifique instrument et d'explorer des domaines qui sont pas forcément ceux qu'on connaît tous les jours. D'accord. Et donc ce morceau, et puis ainsi que les deux autres morceaux que nous écouterons un peu plus tard dans cette émission, est-ce qu'il vous arrive de les jouer à l'UVBF ? Alors, ça nous est arrivé, celui-là, avec des musiciens qui sont bien avancés, puisque nous avons la chance d'avoir des musiciens qui ont ce qu'on appelle dans le cursus des musiciens de troisième cycle, hein, des musiciens qui vont jusqu'au bout de la formation musicale et de la formation instrumentale, et qui pour certains embrassent une carrière professionnelle, puisqu'on a eu la chance d'avoir, ne serait-ce qu'à Adol, deux musiciens qui sont rentrés dans les orchestres professionnels de l'armée, de la gendarmerie, et puis en ce moment des troupes de marine. Donc on a véritablement, dans la qualité de notre formation, on sort véritablement des musiciens qui sont accomplis et qui sont passionnés, et donc qui arrivent ensuite sur des carrières de musique et sur lesquelles on ouvre des voies. Donc oui, on a eu l'occasion de jouer cette pièce, et cette pièce-là est enregistrée par la batterie fanfare de la Malmaison, qui est un ensemble de musiciens professionnels qui se sont rencontrés il y a 30 ans aujourd'hui, et qui se sont dit, nous, on veut promouvoir la batterie fanfare différemment. Donc c'est un groupe de 22 musiciens pour un orchestre de batterie fanfare, c'est faible en quantité, et qui se sont réunis en disant, nous on veut faire ce qu'on a envie. Ils étaient tous issus du milieu du militaire, ils se sont dit, on veut être libre de notre choix artistique, et ils sont réunis en association, et ils ont une liberté de ton, une liberté de choix, et puis ils m'ont choisi il y a quelques années pour en être président, et je suis musicien aussi à l'intérieur de cet orchestre là donc c'est une grande famille. On se croise, on a tous des responsabilités locales, départementales, régionales ou voire nationales, ce qui fait qu'on a véritablement un tissu, en tout cas, de passionnés, qui fait qu'on arrive à faire plein de choses différentes, et c'est ça qui est bien. Voilà. La diversité qui fait, du coup, le charme de tout ça. Exactement, c'est tout à fait ça, la diversité. Et en plus, s'ouvrir d'autres horizons, vous aurez un extrait tout à l'heure avec des arrangements ou des choses complètement différentes. Et vous verrez que, en tout cas, on a toujours prouvé à l'Union Vosgienne depuis des années que on s'ouvrait toujours vers les autres, puisque pour ceux qui ont connu le festival, par exemple, à l'Unisson, qui était un rassemblement tous les deux ans, qui était un petit peu itinérant, puisqu'il y a eu Remiremont, il y a eu Gérardmer, il y a eu Vittel, où on a eu ce festival-là qui réunissait tous les deux ans donc l'ensemble des orchestres de pratique amateur, qu'ils soient d'harmonie, de batterie fanfare ou de ce qu'on voulait d'autre. En tout cas, toutes les associations qui voulaient s'y produire. Nous avons été moteurs de ce festival-là pendant très longtemps, à l'initiative aussi de la création de ce festival, donc ce qui permettait aussi de valoriser la pratique amateur dans son ensemble, qu'elle soit batterie fanfare ou pas. Donc en fait, nous, ce qu'on souhaite, et ce qu'on aurait voulu souhaiter, c'est de continuer, en tout cas, ce partenariat et de s'ouvrir à l'ensemble des pratiques amateurs, quelles qu'elles soient. Et c'est ça qui, aujourd'hui, nous paraît fondamental, surtout après la crise qu'on a passée là, c'est de retrouver du plaisir, de se retrouver tous ensemble à travers la musique, quelle qu'elle soit, et surtout aider les bénévoles qui souffrent énormément, les dirigeants qui sont aujourd'hui un peu perdus dans tout ce qu'on leur demande et les contraintes, voire certains qui sont obligés de mettre la clé sous la porte parce que c'est compliqué et les adhérents, ou en tout cas les bénévoles ne veulent plus revenir pour diverses raisons. Donc il faut être très vigilant pour la pratique amateur, en tout cas si on veut que la richesse musicale du département perdure. Bien sûr. Et donc, en tant que musicien à l'UVBF, est-ce que vous avez un statut d'intermittent du spectacle ou pas du tout ? Alors, pas du tout. Non, d'accord. Nous sommes entièrement bénévoles. Hein. Nous sommes à 95% bénévoles, sauf les deux intervenants rémunérés qui sont des professeurs qui sont rémunérés pour leur mission. Sinon, tous les autres sont entièrement bénévoles. Donc, on donne beaucoup de notre temps. C'est plusieurs heures par semaine de formation pour accompagner les plus jeunes. En général, voilà, on les accompagne au début et ensuite on les confie aux professionnels où les professionnels font le travail dès le début puisqu'on a la chance par exemple à Adol d'avoir de l'éveil musical avec une formatrice, Lucie Villemain, qui nous fait le travail depuis l'éveil puisque c'est son métier, elle est dumiste, depuis 4 ans jusqu'à le parcours qu'il veut. Voilà, on a des adultes aussi en formation et puis comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'au fin de cycle puisqu'il y a des musiciens qui deviennent professionnels. Donc c'est-à-dire qu'on a une formation complète malgré qu'elle soit amateur pour une partie, on a quand même l'occasion de, en tout cas, de donner l'envie et donner la passion, et ces musiciens-là qui ont envie de compléter vont après vers les conservatoires pour finir leur formation et avoir des diplômes, puisque nous ne délivrons pas de diplôme. Nous ne sommes que des musiciens qui offrons la passion et notre énergie et puis la qualité maximale, mais après, il faut aller effectivement se tourner vers les enseignements spécialisés pour obtenir les diplômes. D'accord. Et donc, du coup, à l'UVBF, c'est de la batterie fanfare, mais est-ce qu'il y a une différence entre la batterie fanfare et la batterie, on va dire, classique, que l'on peut retrouver dans différents groupes de rock ou de musique métal ? Alors, sur l'aspect des percussions, c'est là aussi une richesse fin des années 80, c'est-à-dire qu'on a ouvert un petit peu notre pupitre de tambour, qui était tambour grosse caisse cymbale, qui était traditionnel, pour accompagner, donc, dans les défilés, ouvrir vous savez très bien, par exemple, vous avez les grognards, vous avez cette batterie de tambour devant vous, c'est impressionnant, en plus avec l'uniforme napoléonien. C'est magnifique. Donc voilà, donc tout ça s'est beaucoup diversifié et ça s'est modernisé avec effectivement l'entrée dans le répertoire et dans l'instrumentarium des percussions. Donc la batterie de jazz, hein, la batterie classique entre guillemets, voilà. Et puis l'ensemble des instruments de percussion, tous les claviers. Donc on a toute la famille des claviers aujourd'hui, qui fait que, encore une fois, ça nous a permis d'aller encore plus loin dans la recherche du répertoire, et puis qui nous a permis, par exemple, aussi d'avoir des projets hyper intéressants. On a eu une résidence de Franck Tortillier, qui est un vibraphoniste connu nationalement et internationalement, qui est venu dans les Vosges faire une résidence pendant 3 ans, et qui a travaillé avec nous, avec un ensemble de jazz, vibraphone, saxophone, contrebasse et batterie. Voilà, plus batterie fanfare. Donc on a eu une création qui nous a fait il y a quelques années et qui a aussi été enregistrée par la batterie fanfare de la même maison sur un de ses CD. Donc voilà, c'est une richesse où effectivement les percussions sont beaucoup ouvertes. Alors effectivement le style, c'est pas l'instrument qui fait le style, hein, c'est le compositeur qui va nous apporter une patte nouvelle. D'accord. Et c'est pour ça aussi que la richesse de la batterie fanfare, entre le répertoire traditionnel et le répertoire actuel, il y a tellement une richesse où je pense comme la pratique amateur, hein, qui cherche beaucoup de choses et qui essaye de coller au temps et aussi aux générations qui sont à l'intérieur. Donc on a vraiment de tout. Donc on peut avoir du jazz, du blues, on peut avoir du slow, on peut avoir vraiment du répertoire hyper traditionnel avec des choses de cavalerie, avec ce qu'on appelle le détaché, le coup de langue ternaire de la trompette de cavalerie qui est très particulière. Donc on a vraiment de tout, c'est une richesse qui nous permet en tout cas de nous sortir un petit peu, de dire c'est pas toujours pareil et en fait on s'ennuie jamais. D'accord. En préparant cette émission, notamment grâce à votre site internet, votre page Facebook, etc., j'ai eu l'occasion de lire que l'UVBF assume la totalité des responsabilités administratives et d'organisation pour la mise à disposition de spécialistes compétents. Donc, c'est une volonté depuis le départ de la part de l'UVBF, du coup, d'être complètement indépendant. Oui, c'est indépendant, mais c'est surtout effectivement un service aux associations, parce que quand vous allez dans une association où le président a déjà beaucoup de mal à gérer l'administration d'une association qui est hyper compliquée, si en plus on lui demande de gérer l'emploi et de devenir employeur pour 3 ou 4 heures de formation dans son orchestre, c'est beaucoup de tâches administratives pour un résultat qui est plutôt plutôt petit, en tout cas, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a tout de suite pris le parti de dire, nous sommes l'employeur principal. Il n'y a que nous qui assumons ces responsabilités d'employeur, qui est une charge lourde, avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer au quotidien. Ce qui fait que ça décharge complètement l'association qui vient chercher ce service-là. Et on a réussi à monter des projets hyper intéressants grâce à ça. Parce que sinon, personne ne veut embaucher, c'est hyper compliqué, c'est le droit du travail est complexe. Ouais. Et puis voilà, et puis en plus, il n'y avait pas d'intérêt, parce que ce qu'on voulait, c'est évidemment d'avoir une équipe pédagogique qui s'investit dans le projet complet. Et on ne pouvait pas laisser l'association gérer son projet avec 2 heures par-ci, 2 heures par-là. C'est-à-dire que le prof aurait été ballotté partout, et en fait voilà. Donc on a véritablement tout centralisé au niveau de l'Union Vosgienne, et on gère effectivement le projet dans sa globalité, et on essaie d'avoir un lien. La formation d'un musicien de clairon, elle est partout pareille, donc on essaie d'avoir une vue générale de l'avancée des musiciens, et qu'on retrouve une fois par an, au moins une fois par an, puisqu'on essaie d'avoir une audition commune à l'ensemble des sites qui utilisent ce service-là, pour tous se retrouver, c'est-à-dire tous les élèves de Montureux, de Adol, à l'époque de Hanoul, de Basse-sur-Lue, essayent de se retrouver une fois, soit en juin, soit là, on va faire les auditions de Noël, par exemple, de tous se retrouver avec un répertoire commun, où dès le plus jeune âge, ils ont déjà l'habitude de se rencontrer et de jouer ensemble. Et c'est ça qui fait la magie du truc, c'est qu'après, ils essayent de se retrouver, et ce qui donne une motivation supplémentaire. Voilà, c'est en tout cas voilà comme ça qu'on a voulu articuler notre action, c'est de décharger les responsables de toute cette tâche administrative qui est lourde, pleine de responsabilités, et puis ensuite d'avoir une cohérence sur l'ensemble du dispositif. D'accord. Donc il est 14h32, avant de poursuivre à nouveau et de développer encore plus tout ce sujet, je vous propose de nous lancer directement dans une deuxième fréquence musicale que vous avez choisie une nouvelle fois, et que nous écoutions cette fois-ci la musique intitulée Blue Moon. Donc du coup on écoute ce morceau, on en parle juste après. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Without the love of Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous êtes toujours en direct, bien sûr. Il est 14h36 et vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/ partout en France et peut-être même dans les pays frontaliers. Vous venez d'écouter la musique intitulée Blue Moon et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont de Ludovic Lemasson de l'Union Vosgienne des Batteries Fanfares ou UVBF qui est là pour nous parler de l'UVBF et de tout ce qu'il fait. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie ? Très très bien, merci. Parfait. Donc, même question que pour la première fréquence musicale, ce morceau Blue Moon, c'est aussi un classique de la musique fanfare ? C'est pas un classique, enfin c'est pas ce qu'on appelle un classique, c'est plutôt un arrangement, hein. Les spécialistes de jazz ont reconnu du Ella Fitzgerald. C'est plutôt une orientation nouvelle par rapport au répertoire des années 2010-2020. On a véritablement la découverte d'un répertoire extrêmement riche et puis j'ai voulu un petit peu mettre cette pièce en avant pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'elle est enregistrée par la batterie fanfare des Rennes, qui est une batterie fanfare uniquement composée d'amateurs. Et je pourrais remarquer la qualité quand même de l'enregistrement avec une chanteuse qui est issue de leur orchestre, Patricia. Et puis surtout la création, l'arrangement qui est fait par Monsieur Jean-Jacques Caplier, qui est le directeur de cet orchestre-là et de cette commune des Rennes, une petite commune des Rennes de Picardie qui agit depuis des années pour la promotion du genre et qui compose et qui arrange extrêmement bien et qui fait partie du paysage des Vosges puisqu'il est le directeur du stage qu'on organise ou des stages qu'on organise chaque année. Il vient systématiquement comme directeur de notre stage et voilà, donc c'est un lien d'amitié qui s'est créé et ça me paraissait important de le mettre en valeur. Je pense que la qualité de cet enregistrement, de l'arrangement et des musiciens bénévoles et amateurs qui sont là montrent bien que quand on est passionné, on arrive à tout et on arrive à faire des choses hyper intéressantes. J'imagine aussi grand public et on passe un bon moment. Bien sûr. Donc justement, vous parliez des stages. Combien de stages environ l'UVBF organise par an ? Alors c'est au moins un stage. On a la chance d'avoir le département qui nous soutient depuis très longtemps sur le schéma départemental des enseignements artistiques et qui accompagne ces stages-là qui ont un rayonnement national puisque c'était la 16e édition cette année à la Toussaint. C'est un stage de 6 jours. Un stage de 6 jours, c'est rare dans le paysage musical national et en particulier la batterie fanfare puisque... À part nous, j'en connais pas beaucoup. On essaie de maintenir ce stage-là au moins une fois à la Toussaint. Et depuis quelques années, on en a normalement un deuxième aux vacances de février, qui est plus un stage orienté pratique instrumentale, préparation des examens pour les élèves, mais qui s'ouvre de plus en plus sur une pratique d'orchestre. Et on a, entre les moins bonnes années, on doit avoir 26 ou 27 élèves qui viennent du département, de la région, voire au niveau national. À la plus grosse année, on était 47 élèves. Donc voilà, c'était une belle session avec des projets à chaque fois riches et variés, puisqu'on s'ouvre, j'ai dit tout à l'heure, on a eu Franck Tortillier sur le vibraphone, on a eu aussi des gens sur le tuba, on a eu de la Batucada, cette année c'était l'ouverture sur justement nos pratiques, ce qu'on appelle les pratiques cousines, la découverte pour certains musiciens des instruments à système, puisqu'ils ont tous eu des ateliers où ils ont découvert la trompette d'harmonie, le corps d'harmonie, le bugle, etc. etc. Donc on a fait cette démarche-là aussi depuis quelques années avec la Confédération française des batteries fanfares, de s'ouvrir sur d'autres pratiques complémentaires pour essayer d'ouvrir les oreilles de nos musiciens et en tout cas de les former encore plus et encore mieux. D'accord. Et donc justement, ces stages, ils sont ouverts à tous, sans limite d'âge ? Ah oui, on a en général le plus jeune, parce que 6 ans, il faut quand même avoir une ou deux années d'expérience sur l'instrument, sinon c'est un peu compliqué, parce que c'est plutôt intense, hein. C'est 6 à 7 heures de musique par jour. Les plus jeunes, ils ont 8 ans, et puis on a nos doyens qui sont là depuis le début, et qui ont, pour certains, passé les 70 ans, et qui sont là, qui viennent systématiquement passer la semaine avec nous, et qui prennent un pied terrible, quoi, à suivre cette semaine-là avec les enfants, avec l'originalité à chaque fois qu'on apporte sur l'accompagnement, et puis des formateurs qui sont pour certains issus du milieu professionnel de la batterie fanfare, mais pas que, puisqu'on a aussi des intervenants locaux, par exemple Daniel Thiemonge qui est corniste, qui joue du cor des Alpes, qui joue du cor d'harmonie, enfin qui est multicarte et qui joue plein de choses. On a Marc Pêcheur, le directeur de l'école de musique de Thaon-les-Vosges, voilà, donc qui sont aussi intervenants. Voilà, on a des gens du CRU qui croient en ce qu'on fait depuis longtemps et qui nous accompagnent sur ce stage-là. D'accord. Et toujours en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion de voir que depuis 2010, l'UVBF est partenaire avec d'autres organismes comme vous l'avez dit, le Conseil départemental des Vosges ou encore Vosges Art Vivant dans le cadre du pôle départemental des pratiques musicales collectives, pôle de ressources pour la pratique amateur des instruments justement dits naturels. Alors oui, c'est une chance que nous avons eue il y a quelques années d'entrer dans ce pôle départemental, puisque c'est ce qui nous a permis de créer donc la spécificité des ateliers de batterie fanfare avec les enseignants qui ont pu rentrer dans le pôle. Et en plus, on avait aussi jusqu'à il y a 2 ans un poste de coordinateur qui était chargé d'animer tout ce dispositif là. Donc depuis 2 ans, on n'a plus il y a des pertes de crédit, il y a plusieurs facteurs qui ont fait que nous avons plus ce poste de coordination. Donc c'est une mission qui me revient intégralement en tant que bénévole et président de l'association, qui est plutôt une charge assez lourde, mais on désespère pas de trouver, en tout cas pour 2022, donc un nouveau coordinateur qui pourra reprendre en charge aussi et réimpulser une dynamique, parce que quand on s'occupe de l'administratif toute la journée, parfois on n'a pas trop le temps de s'occuper de musique et du reste, et c'est un peu dommage. Donc là, on espère pour 2022 repartir de plus belle et d'aller vers les autres, ce que j'ai dit tout à l'heure, nos pratiques cousines, donc aussi de proposer nos services sur les orchestres de fanfare, de batucada, d'ensembles de percussions un petit peu isolés qui sont pas fédérés ou qui ont envie de chercher une offre différente de celle qu'ils ont actuellement. Donc voilà, c'est un gros chantier parce qu'il y a quand même pas mal d'orchestres de pratiques amateurs sur le département. On est un département plutôt riche à ce niveau-là. Donc il faut essayer de convenir à tout le monde et d'apporter aussi des solutions, encore une fois, pour accompagner les bénévoles et les dirigeants qui sont parfois un petit peu démunis par rapport à certaines situations. Donc justement, si cette émission, elle peut servir comme d'un appel à certains coordinateurs ou quoi, pourquoi pas? Pas de problème. Si quelqu'un sent la fibre d'animer, en tout cas sur l'associatif, d'apporter sa plus-value, son expertise et puis sa motivation et puis son investissement, parce que c'est avant tout une famille, c'est avant tout gérer de l'associatif, c'est gérer des gens. Voilà, donc c'est véritablement d'apporter ce lien humain aussi, en plus du lien administratif, c'est primordial pour nous. Et donc justement, depuis le début de cette émission, vous utilisez le terme famille. Donc est-ce que c'est important pour vous de considérer tous les autres musiciens comme une famille plutôt que comme de simples collègues entre guillemets? C'est sûr qu'on sera jamais des collègues puisqu'on est tous des passionnés à la base. On vient tous pour exprimer une fibre musicale, une fibre associative. En tout cas, voilà, il y a des gens qui sont là pour l'association, il y en a qui sont là pour la pratique musicale, mais on se rejoint tous à un moment ou à un autre parce que dans chacun des groupes. Enfin, je ne sais pas si vous avez été bien sûr informé. Sur le Rue a fait un concert à Remiremont le week-end dernier, qui a fait un tabac avec énormément de monde. Donc on voit bien que pour leur anniversaire, on voit bien que ça génère, en tout cas ça fédère des gens autour d'eux. Et si ça se fédère, c'est parce que les gens croient en leur projet, c'est des gens qui ont envie d'être ensemble, c'est des gens qui croient en ce qu'ils font au quotidien. Donc c'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui nous maintient tout le temps. Et c'est pour ça aussi que beaucoup d'associations aussi ont réussi à traverser ces temps de crise difficilement, parce que si je prenais un exemple, puisque je suis directeur de l'avenir de Adol, on a jamais perdu le lien avec nos élèves puisqu'on a été en visio tout le temps. Les familles nous appelaient pour savoir quand est-ce qu'on reprenait. Enfin voilà. Et quand on a repris, tout le monde était là. 100% des élèves sont revenus. Donc c'est véritablement un besoin. C'est quelque chose qui fait qu'on se retrouve. Et en plus, on a des événements autour de la pratique musicale où les familles sont invitées. Comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, les auditions de Noël où on va mettre en valeur les enfants qui ont travaillé la musique. Mais après, derrière, c'est un temps de convivialité avec les familles. Se retrouver autour d'un repas tous ensemble, se connaître, se découvrir et créer dans les villages, en tout cas, encore une animation et quelque chose qui fait que quand on a besoin des gens aussi pour organiser quelque chose, quand on fait par exemple un vide-grenier au mois de septembre, on a besoin de mains, on a besoin de gens, donc les parents viennent. Donc c'est véritablement comme ça qu'on fédère et qu'on tisse autour de l'association quelque chose qui fait que ça reste humain. Et c'est pour ça que je dis famille, parce que voilà, nos élèves, c'est un peu nos enfants quelque part, parce qu'on les accompagne, on les voit grandir, on essaie de les amener le plus loin possible, et puis après ils font leur vie. Parce que un des problèmes du territoire aujourd'hui, c'est que quand on arrive à 17-18 ans, après on part. Et voilà, donc on a encore la chance, enfin en tout cas moi je le dis souvent, c'est qu'on a des gens qui partent, mais il y a beaucoup qui reviennent, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais j'ai envie de revenir parce que j'oublie pas d'où je viens, j'oublie pas ce que vous m'avez apporté et j'en ai besoin. » Et quand quelqu'un de 20 ans, 25 ans a fini ses études, il dit « Ça me manque de trop, je reviens », c'est qu'on a gagné quelque chose. Voilà, et c'est pas que la musique, c'est aussi de retrouver les anciens, de retrouver les plus jeunes et voir comment ça évolue. Et c'est ça qu'on essaye de faire tout le temps, c'est faire perdurer la transmission. Parce que une de nos dernières actions qu'il y a depuis quelques années, c'est la transmission. C'est comment on organise les choses pour qu'on soit sûr que l'association vive après. Et vivre après, c'est quoi ? C'est assurer le renouvellement des dirigeants, c'est aussi assurer le renouvellement de ceux qui vont transmettre, c'est-à-dire que par le bénévolat, aussi donner des cours bénévoles, c'est se mettre devant l'orchestre, parce qu'on n'a que des chefs qui sont bénévoles, on n'a pas de chefs rémunérés dans notre réseau, donc on n'a pas de lien par rapport à ça, comme d'autres peuvent l'avoir, donc c'est véritablement le renouvellement. Et c'est ça qu'on a depuis quelques années. On a la chance d'avoir pas mal d'élèves qui vont aujourd'hui au stage national qui se passe au mois d'août pour se former, pour être encadrants. Et voilà, donc on les pousse, on les finance, on les accompagne, on les forme toute l'année pour qu'ils puissent avoir en tout cas le bagage technique et musical pour pouvoir accéder à cette certification qui fait que derrière on peut leur confier les clés du camion et qu'on se dit, bah voilà, on a fait notre boulot, et c'est à eux de prendre les rênes, et nous on reste un petit peu en retrait, on est toujours vigilant à ce qui se passe, on est toujours investi, mais voilà, c'est en tout cas, je pense que c'est n'importe quel dirigeant se dira, oui mais après moi, comment je fais ? Et ça c'est hyper important, il faut l'anticiper. Voilà, ceux qui croient que derrière eux ça se fera tout seul, ou si ça se fait pas tant pis, bah, c'est qu'ils ont loupé quelque chose dans l'associatif. C'est pas du tout la politique de la maison en tout cas. Un genre de passage de flambeau. C'est exactement ça. On le fait au quotidien, et c'est pour ça que nos musiciens, on leur fait bien comprendre qu'ils font partie d'un groupe. Voilà, et que le groupe, il existe que parce qu'ils sont un individu, mais que l'individu est aussi au service du groupe. C'est-à-dire que tout le temps, cette dualité est hyper importante. Il faut véritablement que chacun prenne sa place. Voilà, individuellement, on évolue, mais collectivement aussi. Et ça, c'est hyper important. Et donc, justement, est-ce que vous diriez que la musique fanfare, ou même la musique en général, peut servir d'exutoire pour certaines personnes, de défouloir ? Un défouloir dans le sens où on peut s'exprimer ? Oui. Voilà, on est, en tout cas, ce qu'on a en nous, on l'exprime. C'est-à-dire que, comme je dis tout à l'heure, on est quasiment sur les instruments avant. Les instruments avant, c'est comme je le dis aux élèves qui apprennent, je veux dire, la musique, elle vient de vous. Elle vient de vos tripes. C'est-à-dire que c'est le souffle, c'est votre intérieur qui fait que vous communiquez par l'air que vous donnez, la puissance que vous donnez, la finesse que vous donnez, l'énergie que vous donnez, c'est là que vous passez un message. Et là, ça peut pas être plus profond que ça. Donc ça passe par vous, et c'est vous qui donnez ce message-là. C'est la même chose sur les percussions, où c'est très physique, où dans l'expression du corps, on communique quelque chose. Et ça, c'est ce qui permet en tout cas à beaucoup de s'exprimer. Pas forcément par le langage, des fois c'est difficile, ou par d'autres façons de faire. Vous avez la possibilité de le faire par le théâtre, vous avez toutes ces pratiques-là qui permettent qu'à l'individu s'épanouisse différemment. Après, à chacun de trouver sa voie. Donc voilà. Parfois c'est par la musique, parfois c'est par autre chose. Mais voilà, la musique, c'est véritablement quelque chose de sincère, quelque chose qui vient de soi. Voilà. Et si on n'a rien à dire, ben on s'ennuie vite. Voilà. C'est pour ça qu'on essaie toujours d'aller chercher au fond de chacun, d'exprimer ce qu'il est et ce qu'il a envie de donner aussi aux autres. Bien sûr. Et donc, du coup, comme on le disait, il y en a pour tous les âges, également dans toutes les villes ou presque et communes du département. Comme j'ai, en faisant mes recherches, toujours j'ai vu les villes et communes de Adol, Rhin-Haut-Aubois, Montureux-sur-Saône, Anould, Basse-sur-le-Rue, Rue-sur-Moselle et Granges-sur-Vologne. Oui, c'est tous des lieux où on a travaillé ensemble, certains avec qui on ne travaille plus aujourd'hui parce qu'ils ont pris d'autres orientations. Ou comme par exemple, Anould a enfin réussi à se faire ouvrir les portes du conservatoire de Saint-Dié avec le conservatoire qui a pris en charge l'accompagnement des musiciens de batterie fanfare. C'est génial, c'est un dispositif qui est fabuleux pour ce secteur-là. Et donc effectivement, on a travaillé beaucoup sur Adol, on travaille avec Dounou et Rhin-Haut-Aubois, où on essaie d'avoir un centre de formation pour l'ensemble de ces trois villages-là, où on essaie d'optimiser en tout cas pour que ce soit le plus efficace possible et puis que ça coûte le moins cher aussi, parce que, bien sûr, parce que les cours, les profs, c'est pas gratuit, c'est quand même un budget relativement important pour chaque association. Donc effectivement, là où on est allé à chaque fois, c'est on essaie encore une fois de coller à l'image locale qu'on veut donner à sa pratique musicale, qu'elle soit d'harmonie ou de batterie fanfare ou autre, et d'y apporter une plus-value, voilà, avec nos moyens et avec ce qu'on a encore envie de transmettre comme nécessité d'animer les territoires et encore une fois de transmettre quelque chose. D'accord. Donc il est 14h presque 51, nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission, mais avant de poursuivre encore un petit peu à nouveau, je vous propose de nous lancer directement dans une troisième et dernière fréquence musicale de votre choix une nouvelle fois, et que nous écoutions cette fois-ci un morceau toujours représentatif de l'UVBF, morceau intitulé Trademark R. Donc voilà, on écoute ce morceau et on se retrouve juste après d'ici un peu moins de 3 minutes. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Trademark Air sur Radio Gemozo. Voilà, vous êtes de retour et vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio. Et aussi, vous êtes habitué sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout-en-France. Nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Ludovic Lemasson de l'Union Vosgienne des Batteries Fanfares ou UVBF depuis bientôt une heure maintenant, qui est là pour nous parler de l'UVBF et de tout ce qu'il fait. Tout est toujours bon pour vous? Super, merci. Parfait. Donc, même question que pour les deux précédentes pauses musicales, pouvez-vous nous parler un petit peu de ce morceau? Alors là, on est véritablement dans du classique. Je pense que je connais pas une batterie fanfare de France qui l'a pas joué. C'est un des grands standards de fin des années 90. Et voilà, toutes les batteries fanfare, c'était dans le style, dans l'énergie, comme je disais tout à l'heure, pour l'extérieur, c'est la pièce qu'on écoutait partout, quoi. C'est ce qui a fait qu'à un moment ou à un autre, quand on se retrouvait dans des rassemblements, il suffisait qu'un musicien commence les premières notes et tout le monde jouait et ça finissait ce qu'on appelle un bœuf, quoi, bœuf musical. Ou voilà, c'est ce qui a fait que bah oui, c'est un peu pris un virage différent. Alors c'est enregistré par la batterie fanfare de la musique de l'air de Paris, et qui n'existe plus, hein, puisque malheureusement beaucoup d'orchestres professionnels des armées ont disparu, en tout cas dans la batterie fanfare, puisque le reste perdure. Mais on avait véritablement à cette époque beaucoup de vitrines, la police nationale, je l'ai dit tout à l'heure, la musique de l'air, les troupes de marine, enfin il y avait plusieurs orchestres, il y avait aussi à Dijon, enfin au niveau régional aussi, il y avait beaucoup d'ensembles de batterie fanfare qui étaient nos vitrines, et en tout cas qui permettaient aussi d'alimenter l'ensemble du tissu associatif, parce que là où il y avait une base militaire avec une batterie fanfare, souvent les musiciens le soir, ils allaient en plus de leur journée travailler ou accompagner les associations locales et leur apporter encore plus de qualité. Donc voilà, tout ce réseau là c'est un petit peu arrêté depuis une vingtaine d'années. On a quasiment plus rien en batterie fanfare, et c'est dommageable pour nous, parce que la vitrine n'existe plus vraiment. Donc maintenant ce sont les associations et les orchestres amateurs qui ont pris le relais et qui aujourd'hui se bouge pour faire vivre ce genre musical. Et c'est aussi une richesse, mais quand même, on trouve que par rapport à ça, politiquement, c'est pas très judicieux d'avoir fait ces choix-là. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. On s'y adapte. Mais voilà, pour la promotion du genre, c'était quand même hyper confort, et c'était des musiciens hyper passionnés aussi et hyper compétents. Mais peut-être qu'il est toujours possible pour certaines batteries fanfares de créer leurs propres morceaux. Alors oui, on a la chance aussi d'avoir des compositeurs, hein, puisque encore une fois, je vais faire la promotion de ce qui se passe à Adol, mais au-delà d'avoir des musiciens qui deviennent professionnels, on a aussi des musiciens qui composent. Donc encore une fois, dans le cursus de formation musicale, puisque souvent dans les conservatoires, les écoles de musique, le solfège, c'est quelque chose qui est plutôt ingrat à enseigner. Beaucoup d'élèves s'en plaignent, voire des parents qui disent bah, si on pouvait se passer du solfège, parce que à chaque fois c'est difficile d'amener les enfants. Bah chez nous c'est pas le cas. Chez nous ils réclament, parce que quand on leur fait découvrir que le solfège ça sert à quoi, c'est comme le code de la route. Si vous connaissez pas votre code de la route, c'est pas la peine de prendre une voiture. Donc on leur fait bien comprendre que quand ils connaissent bien le solfège, ils ont des portes ouvertes sur plein de choses. Leur pratique instrumentale, bien sûr, mais aussi, et dès la quatrième année, on leur fait déjà écrire des petites pièces. Et là, ils comprennent les mécanismes, ils savent à quoi ça sert. Et quand ils savent à quoi ça sert, bah, c'est plus facile de venir en cours. Et c'est là où ils s'épanouissent. Là, c'est une chance pour nous. Donc voilà, on a trois musiciens à l'orchestre de Adol qui écrivent des pièces qui sont enregistrées au niveau national, et puis qui font leur petit bonhomme de chemin. Donc c'est une richesse d'avoir de jeunes compositeurs d'une vingtaine d'années qui, avec leurs influences modernes, apportent une touche actuelle à la batterie fanfare. Et c'est pour nous, c'est du plaisir, quoi. Voilà, quand il faut jouer une pièce d'un musicien de l'orchestre qui a fait toute sa formation orchestre et qui joue et qui écrit sa pièce en disant bah ouais, c'est pour jouer. Enfin voilà, c'est un plaisir incomparable. Voilà, c'est quelque chose qui fait que bah, même pour nous formateurs, on se dit bah on a fait le boulot, quoi. Et eux, en pareil, bah ils rendent. Et c'est ça qui est hyper important. Bien sûr. Et donc, bah, comme annoncé avant cette pause musicale, malheureusement, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. J'imagine qu'il y aura encore plein de choses à dire, mais est-ce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas encore abordé, on va dire de plus important, mais qui mériterait absolument d'être abordé? Bah, je pense qu'on a dit la plupart des choses. Après, ce qu'il faut, c'est que bah, les gens n'hésitent pas, quoi. C'est surtout les dirigeants et ceux qui sont dans la pratique amateur de la musique. Surtout, n'hésitez pas à venir nous rencontrer et à discuter sur ce que vous faites. Et, si on peut pas vous accompagner sur plein de choses, mais au moins qu'on se rencontre et au moins qu'on échange sur les choses. Et puis, Et puis n'hésitez pas, hein, puisque normalement, première semaine des vacances de février, donc on doit se retrouver pour un des stages annuels, puisqu'il y aura encore la Toussaint, mais en tout cas, si vous voulez, le lieu est encore pas complètement défini, mais soyez à l'écoute de notre page Facebook ou notre site internet, où on communiquera sur le lieu du stage. N'hésitez pas à venir, hein, tous les âges, et aujourd'hui, et normalement, en février, on fera la promotion, on fera la découverte du répertoire fifre et tambour. Voilà, donc remettre à l'honneur le tambour d'ordonnance avec des fifres, donc de la famille des flûtes. D'accord. Et donc justement, je vais vous demander, si nous voulons vous suivre et suivre l'actualité de l'UVBF, comment pouvons-nous faire ? Donc il y a la page Facebook. C'est ça, principalement la page Facebook, le site, depuis qu'on a pu la coordinatrice, c'est plus trop... toujours mis à jour, donc il faudra qu'on s'y remette un petit peu. C'est pour ça aussi qu'on cherche quelqu'un. Eh ben sinon, il faut me contacter directement. Mais voilà, donc vous trouverez nos coordonnées sur la page Facebook ou sur le site, en tout cas. Et puis surtout, essayez de suivre et d'alimenter. Et puis après, il y a quelques manifestations qui se font sur le département. Allez voir ceux avec qui on travaille, hein, Montureux, Basse-sur-le-Rue, Adol, Anoult encore. Et puis, ceux que vous connaissez en batterie fanfare. Mm-hmm. Surtout, tout le monde nous connaît un petit peu, donc n'hésitez pas à leur en parler. Et puis moi, j'ai fait la rencontre la semaine dernière du président. Président de Saint-Étienne-Hermiremont, la batterie fanfare, avec lequel on va peut-être collaborer à partir de 2022. Donc voilà, c'est des belles découvertes et c'est en tout cas, on est là pour ça, en tout cas au moins à l'écoute, et puis après on voit ce qu'on peut faire ensemble. Bien sûr. Ce que je vais faire avec le lien en podcast de cette émission, demain sur notre page Facebook, je mettrai le lien de votre page Facebook. Parfait. Comme ça les gens pourront vous retrouver facilement, juste à cliquer sur le lien et puis voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Ah ben, que ça continue et puis que beaucoup de courage surtout aux dirigeants qui ont traversé des périodes difficiles, et puis surtout ne pas lâcher, quoi, parce que c'est aujourd'hui où on sent que l'associatif a sa part dans un contexte compliqué. On l'a dit tout à l'heure, l'un des exutoires, en tout cas l'expression de ce qu'on est nous, et de rencontrer des gens dans un contexte particulier, c'est hyper important. Et puis je tenais à vous remercier aussi, parce que une heure sur la batterie fanfare, c'est quelque chose de magique pour nous, de valoriser notre style, et c'est quelque chose qui est hyper important, parce que les grands médias n'en parlent pas, hein. C'est pas un style qui est du tout diffusé, les harmonies c'est un peu pareil. Donc la pratique amateur, quelle qu'elle soit, je pense elle a besoin d'avoir une promotion large, et c'est très bien que ça commence par du local, parce que c'est là où on s'implante, et c'est là où on a besoin d'être soutenu. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc là, c'est à mon tour de vous remercier, Ludovic, d'avoir accepté mon invitation. Cette émission sera rediffusée demain, mercredi, à 18h, avec le podcast de cette émission, posté sur notre page Facebook, demain dans la journée, avec le lien de votre page Facebook, pour vous retrouver facilement. Si vous voulez, je pourrais même vous l'envoyer par mail. Avec plaisir. Si vous voulez la récupérer, la partager, etc. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guémozo, ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse en musique après le générique avec Roo Paynes et son titre There's a Place, ou alors avec Weevil et son titre Something, tout dépend combien de temps je laisse le générique, avant la rediffusion de la rediffusion, oui, la rediffusion de la rediffusion de l'édition de Fréquence Libre d'hier avec Alexis Frechin, professeur de karaté. Quant à nous, nous nous retrouvons demain, mercredi, à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre qui sera, je pense, une édition spéciale info locale avec différents enregistrements réalisés en amont. Voilà, donc merci de votre fidélité à Radio Guémozo, et du coup je vous dis à demain. Donc salut et à demain.